Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous aviez toujours voulu le savoir, mais vous ne vous sentiez pas tout à fait de le demander. Dans une heure pourtant, vous pourrez raconter à vos amis comment sont nés les premiers gratte-ciel. Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une émission proposée aujourd'hui par Didier Pinoine, Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Aloïse Guérin, Jean-Christophe Francis et Jean-Guilain Beige. Que toute autre fonction, celle des gratte-ciel, ne serait-elle pas avant tout d'impressionner? Oui, sans doute quand il s'agit de construire la Burj Khalifa de Dubaï, plus haute tour du monde et qui culmine à 828 mètres. Non, en revanche, quand il s'agit de loger des milliers et des milliers de personnes dans des villes asiatiques ou américaines et qu'il faut construire en hauteur pour rentabiliser l'espace. Il n'en reste pas moins que ces objets architecturaux font depuis leur début l'objet de batailles, notamment parce qu'ils incarnent la formidable accélération de la modernité au XXe siècle, dont les conséquences sont âprement débattues. Dès que je me retrouve sur la terrasse au bord du lac et de Michigan Avenue, qui file à perte de vue au long de mon regard, une inquiétude me prend qui touche à l'angoisse. J'aime la ligne dure des gratte-ciels. Ils sont plus massifs qu'à New York et plus purs. Pas de fenêtres Renaissance, pas de clocher gothique. Ils ont été construits à une époque où le gratte-ciel avait gagné la partie et n'avait plus besoin de se faire excuser. Je descends Michigan Avenue, où souffle un vent glacé, j'erre dans les rues de downtown qu'on appelle ici le Loop. Je suis heureuse de me retrouver dans une ville qui semble une capitale et non, indéfiniment multipliée, une bourgade. Mais que pourrais-je en saisir ? Chicago. Le seul nom me fascine. You're breaking my heart, babe. Un extrait de l'Amérique au jour le jour de Simone de Beauvoir, lu par Juliette Marcailloux. Deux invités aujourd'hui pour raconter l'histoire des gratte-ciels. D'abord Claude Massu, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes historien de l'architecture, professeur émérite d'histoire de l'art à l'université Panthéon-Sorbonne. Vous avez traduit notamment « La ville évanescente » de l'architecte Frank Lloyd Wright, dans lequel il développait une critique des métropoles de son temps, New York et Chicago, qui sont en effet deux grands foyers de l'architecture américaine au XXe siècle. Et vous êtes aussi l'auteur de l'essai « Chicago de la modernité en architecture » paru il y a quelques années déjà aux éditions Parenthèse. Avec vous également Virginie Picon-Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte urbaniste, autrice notamment de Paris Ville Moderne, Maine, Montparnasse et La Défense 1950-1975, mais aussi de La Défense, Dictionnaire et Atlas, dont vous étiez déjà venu nous parler dans cette émission. Puis vous avez fait une conférence sur la montée de la critique contre les tours à partir des années 50. On en parlera peut-être aussi. Vous êtes donc tous deux spécialistes de cette forme architecturale qu'on appelle les gratte-ciels. Mais qu'est-ce que ça veut dire un gratte-ciel? À partir de combien d'étages est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'on gratte le ciel? Virginie Picon-Lefebvre. Moi, je pense que quand on parle d'un gratte-ciel, on parle de quelque chose qui est une forme stupéfiante, une forme plus haute que ce qu'on peut imaginer. On peut rêver de quelque chose qui touche les nuages. Et on parle des gratte-ciels à partir du moment où on a une certaine hauteur. Je ne pense pas qu'on puisse dire en dessous de tel étage, on est dans un gratte-ciel. Par contre, Je sais que vous citiez mon ouvrage sur la Défense. À la Défense, on ne parlait pas de gratte-ciel, on parlait de tours. Et donc, il y a une différence entre les tours et les gratte-ciels. Quelle différence ? Le gratte-ciel est plus haut que la tour. Je dirais que le gratte-ciel, c'est quelque chose qui vraiment est singulier, alors que la tour est dans un motif plutôt de la répétition. Le gratte-ciel, il est unique, il est le plus grand, le plus haut du monde. Il y a une sorte de compétition dans les gratte-ciels, comme il y en a une dans les ponts. Oui. Je pense que c'est le même genre d'ouvrage. C'est des ouvrages où on fait plus haut, plus grand, plus fort. Et le gratte-ciel, c'est celui qui, encore une fois, va être plus haut que l'Empire State Building, plus haut que... Voilà. Autrement dit, on peut qualifier une tour de gratte-ciel différemment selon les époques, parce que les premiers gratte-ciel étaient sans doute des petites tours d'aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose d'assez bas, je dirais une 15-20 niveaux peut-être, et pour monter à des plus 40, 50, 60, 100 étages. Claude Massue, est-ce que parler des gratte-ciel, c'est obligatoirement parler de la modernité ? On a l'impression que ces deux termes sont forcément liés, et pourtant, la modernité, aujourd'hui, c'est peut-être autre chose que des gratte-ciel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, je pense que c'est lié, parce que c'est lié avec une certaine technique de construction. Pour construire en hauteur, il faut nécessairement utiliser une nouvelle technique qui remplace la technique, si vous voulez, des murs porteurs en maçonnerie. Alors, il y a eu quelques expériences dans les années 1890, mais on atteint très vite la limite. Hein. On a des murs trop épais, enfin, c'est... Quel était le maximum, dans ces années-là, de construction à l'ancienne, jusqu'à quelle hauteur on a pu aller ? Alors, on allait, il y a ce qu'on appelle des proto-gratte-ciels qui apparaissent dans les années 1850, 1860 aux États-Unis, en particulier à Chicago, mais pas seulement à Chicago, 4-5 étages. Mais les gratte-ciels, on va commencer à parler de gratte-ciels à partir des années 1890, lorsque on a environ 10-15 étages. Parce que 4-5 étages, c'est le Paris d'Haussmann aussi. C'est un peu aussi ça, effectivement. Donc ce sont des gratte-ciels. Donc ce sont des proto-gratte-ciels, c'est des faux gratte-ciels d'une certaine manière. Virginie Picon. Oui, moi je pense qu'il y a la technique de construction, mais il y a aussi quelque chose qui est fondamental dans l'apparition du gratte-ciel. C'est l'idée qu'on puisse superposer des activités très très variées et très différentes. Mais pour que ça puisse fonctionner, il faut deux choses. L'ascenseur, pour faire un gratte-ciel, et le téléphone. Parce que si vous pouvez pas appeler quelqu'un qui a 20 étages en dessous de chez vous, qui est dans la même entreprise, c'est vraiment très compliqué. Donc il y a deux conditions. C'est ces deux-là, plus effectivement une technologie qui s'apparente à une technologie d'infrastructure. Enfin, c'est presque du génie civil. Construire un immeuble de plus de 100 mètres de haut, c'est comme construire un pont. Ouais. Et alors ça arrive à quelle époque ? À la fois l'ascenseur et le téléphone, on est dans les années quoi, 1895, 1880. L'invention de l'ascenseur, c'est Otis au milieu du 19e siècle, 1850, 1860. Et là, ça va avoir effectivement un effet extrêmement important en fait pour la construction de tours, enfin d'immeubles de plus en plus hauts. C'est donc, une condition sine qua non. Donc on lit le gratte-ciel avec la modernité, mais il y a d'autres types de modernité qui apparaissent en même temps que les gratte-ciels. On peut considérer par exemple que l'art nouveau, c'est la modernité architecturale et c'est en même temps concomitant avec les premiers gratte-ciels. Donc il y a beaucoup de définitions de ce que c'est qu'un immeuble moderne dans cette fin du 19e. C'est-à-dire que l'immeuble moderne, vous pouvez l'habiller comme vous voulez. Vous pouvez aussi, le gratte-ciel, vous pouvez en faire une tour néo-gothique. Vous pouvez en faire une tour néo-art nouveau, comme l'a fait Louis Sullivan, par exemple. Donc il faut séparer le style du fait qu'il s'agit d'un gratte-ciel, voilà. La technique finalement du bâtiment. Et ce qui est aussi déterminant pour la naissance du gratte-ciel, c'est l'urbanisme. C'est-à-dire que c'est en particulier le plan d'amier des villes américaines qui rend possible justement la construction sur des parcelles bien définies. Et en plus, il y a cette dimension aussi de concurrence, de rivalité entre les commanditaires, entre ceux qui font construire des tours. Et donc, la structure urbaine américaine se prête très bien, justement, à cette concurrence, en fait, qui est le fondement même du système économique américain. Pourquoi est-ce qu'une structure en damier se prêterait mieux que un pâté de maison à Paris, par exemple? Parce que cette rivalité n'empêche pas le fonctionnement global de la ville. Voilà. Alors, il y a quelques cas où, en particulier à New York, il y a un immeuble assez célèbre qui s'appelle le Flatiron, qui est de plan triangulaire, là, qui est à l'intersection de Broadway, la 5e avenue. Donc là, ça marche, mais en règle générale, il faut, si vous voulez, que la parcelle soit bien délimitée et qu'elle n'empêche pas la circulation verticale, voilà. Virginie Picon-Lefebvre. Oui, il y a deux éléments, je pense, qui expliquent pourquoi les gratte-ciels sont nés aux États-Unis, parce que c'est quand même ça qu'il faut dire. Les gratte-ciels naissent aux États-Unis. C'est le premier, c'est que ce sont des villes nouvelles, au sens où c'est des villes qui n'existent pas. Donc il n'y a pas à négocier, d'une certaine manière, avec des choses plus basses. Et notamment à Chicago, il y a un grand incendie qui libère finalement des terrains considérables. Et il faut reconstruire Chicago sur un plan en damier. Et donc on a des parcelles qui sont simples et claires sur lesquelles on va monter. Et puis il y a une deuxième chose, moi je pense qu'il faut vraiment dire très vite sur les gratte-ciels, c'est que les gratte-ciels, c'est des immeubles de bureaux. Enfin, à l'origine, parce qu'aujourd'hui, il y a des... Peut-être multifonctionnels. Mais quand même, je pense que ce qui explique la naissance du gratte-ciel à Chicago et à New York, c'est qu'on est face à une société qui a besoin de stocker de l'information. C'est comme ça que je vois, moi, un peu le sens du gratte-ciel. De stocker de l'information, de communiquer cette information pour gérer des quantités énormes de bétail, de ce que vous voulez, d'assurance. Et cette société de l'information va construire ses immeubles de manière la plus fonctionnelle possible. Pour que l'information circule le plus facilement entre les services des entreprises ? Entre les services d'une même entreprise ou de plusieurs entreprises, parce qu'effectivement, le gratte-ciel permet aussi de superposer des activités qui sont différentes. Mais je pense que c'est important parce que je ne pense pas qu'au début, on ait pensé mettre des gens, des habitants dans des tours très hautes. Je pense qu'il y a quand même cette espèce d'idée qui est que c'est pour finalement les entreprises, les bureaux, c'est l'immeuble de bureau, c'est la société de cette société qui n'existe pas véritablement avant l'instauration de ce système de gestion des données qui va ensuite donner l'informatique, hein. Et que finalement, le gratte-ciel est l'image de cette société d'information. Oui, le gratte-ciel, c'est un gros ordinateur, alors si on comprend bien ce que dit Virginie Picon-Lefebvre. Oui, certainement. Mais il y avait aussi un aspect financier quand même. On construit une tour pour rentabiliser, en fait, en multipliant la valeur de la parcelle au sol. Hein. Donc c'était quelque chose qui était destiné dans le fond. Ça s'appelle faire payer la parcelle. Voilà, c'est ça. Et on multiplie, et c'est un investissement qui, par définition, est considéré comme éphémère. C'est quelque chose qui ne doit pas durer. En fait, on a des images en fait de Chicago. Par exemple, si on prend Chicago, mais aussi c'est valable pour New York. Enfin, où il y a des tas de gratte-ciels, des tas d'immeubles ont disparu, des tas de tours ont disparu. En fait, c'était vraiment des investissements à court terme. Donc, il y a quand même toute une structure financière importante derrière tout ça. Donc, au fond, c'est quand même une révolution qui est une révolution mentale et presque anthropologique l'invention des gratte-ciels, puisque vous nous expliquez qu'en fait, c'est lié au changement du capitalisme, pour commencer, Virginie Picon-Lefebvre. Oui, c'est lié. En tout cas, c'est intéressant que ça se passe aux États-Unis parce qu'on est sur un pays qui est à l'échelle d'un continent et que la quantité d'échanges dans une langue commune à l'échelle d'un continent, c'est quelque chose d'assez extraordinaire à gérer. Et qu'on invente le gratte-ciel parce que cette société se met à fonctionner de manière moderne, c'est-à-dire non pas localement comme une addition de choses qui n'ont rien à voir, mais en réseau, véritablement. Et les points d'émergence de ce réseau, il faut bien les loger quelque part, et on les loge dans quelque chose qui va devenir le gratte-ciel. Effectivement, ça va monter de plus en plus. Et la puissance des États-Unis, je pense, est liée aussi à cette capacité à gérer l'information à l'échelle d'un continent, alors que, entre guillemets, en Europe, on est à chaque fois limité à la taille de nos petits pays. Donc il faudrait des gros immeubles parce qu'on a des gros pays. Oui, c'est logique finalement d'avoir des gratte-ciels dans des pays. En tout cas, l'origine, maintenant ça a changé. Là, on parle de l'origine toujours. On est dans le. Oui, mais je vais dans ce sens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une dimension culturelle. Les États-Unis veulent s'émanciper du point de vue artistique de l'Europe tout au cours du 19e siècle. Alors, ils le font plutôt dans le domaine de la littérature. Pour la peinture, il faudra attendre le 20e, enfin autour des années 50. Mais l'architecture, à la fin du 19e siècle, c'est un enjeu tout à fait considérable, un enjeu symbolique pour eux, d'émancipation par rapport à l'architecture européenne. C'est une émancipation qui va être difficile, mais le gratte-ciel va représenter un peu l'invention. Quelque chose qui est proprement américain, authentiquement américain, voilà, par rapport à l'Europe. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans ces bâtiments-là de la façon de penser des Américains? Alors, c'est une pensée très pragmatique et en même temps qui a besoin de symboles très forts. Enfin, je veux dire, elle est, dès l'origine, dès les années 1880, que ce soit à New York ou à Chicago, en fait, les tours, les gratte-ciels sont le support d'images, enfin, tout un répertoire stylistique pour renvoyer, pour donner une image, enfin, de superpuissance, ou au contraire, pour se rattacher à une tradition. Donc, c'est quelque chose qui est très, très présent dans cette histoire. Virginie Picon-Lefebvre. Oui, moi, je voulais revenir sur cette question du style, parce que c'est quand même un peu intriguant. Pourquoi est-ce qu'une forme nouvelle n'arrive pas à trouver sa forme d'expression? Pourquoi est-ce qu'il y a des styles gothiques, néo-gothiques? Pourquoi est-ce qu'il y a des gratte-ciels? Au début, hein, parce qu'après, il va y avoir une forme d'expression bien propre au gratte-ciel. Et moi, je pense que, parce que, en fait, l'Amérique et les Américains, notamment les architectes américains, il faut le savoir, en 1880, sont formés à Paris, sont formés à l'École des Beaux-Arts. Et que la puissance de l'École des Beaux-Arts est telle que l'enseignement de l'école, c'est l'enseignement sur la connaissance des styles, que ce soit le style gothique de la Renaissance. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, ce style Beaux-Arts est un style international. C'est-à-dire qu'il est reconnu partout. C'est-à-dire que vous avez à Hong Kong, bon certes c'est les Anglais, mais des tours qui vont être construites dans un style qui sera par exemple du style Renaissance italienne. Ou Washington est une capitale qui est construite selon un style Beaux-Arts, selon un style à la française. Donc c'est une écriture qui est internationale. Et donc quand ils font par exemple à Chicago leur tour, et ils vont faire des concours internationaux également. Et il y a une fameuse tour qui a été faite pour un journal. Donc la question de l'information, c'est vraiment au centre, qui s'appelle Herald Tribune, et c'est un concours international. Et il y a un architecte qui est très connu des architectes, qui s'appelle Loos, qui va faire une immense colonne unique. Il va pas gagner. Et en fait, la tour qui sera faite sera une tour étagée, je sais pas, avec un style Renaissance. Néo-gothique, c'est la Hood and Howells. Oui, à l'époque, donc dès la fin du 19e siècle, le modèle gothique s'impose, parce que c'est en fait la seule référence que l'on trouve dans l'histoire. La référence à la cathédrale. Oui, c'est la cathédrale du commerce, hein, oui. Cathedral of Commerce. Et puis dans les années 20 encore, il y a encore des restes de néo-gothique, en particulier avec le concours qu'on vient de mentionner, le Chicago Tribune Building à Chicago, et c'est la reprise, la tour de beurre de la cathédrale de Rouen. En fait, c'est un bâtiment néo-gothique. Et cette dichotomie entre un style qui reprend des caractères du passé et des constructions qui sont extrêmement modernes, Paul Morand l'a bien noté dans un de ses textes, non pas sur Chicago, mais sur New York. Ancré dans la chair vive du roc, descendant sous terre de 4 ou 5 étages, portant au plus profond d'eux-mêmes leurs organes essentiels, dynamo, chauffage central, rivetés au fer rouge, amarrés par des câbles souterrains, des poutrelles à grande hauteur d'âme, des pylônes d'acier, ils s'élèvent, tout vibrant du ballon formidable des étages supérieurs. La rage des tempêtes atlantiques entort souvent le cadre d'acier, mais par la flexibilité de leur armature, par leur maigreur ascétique, ils résistent. Les murs ont disparu, ne jouant plus aucun rôle de soutien. Ces briques creuses, dont la construction est si rapide qu'on peut monter d'un étage par jour, ne sont qu'un abri contre le vent. Et ces granites, ces marbres qui garnissent la base des édifices, n'ont que quelques millimètres d'épaisseur et ne constituent plus qu'un ornement. Les plafonds en lattis sont simplement agrafés aux charpentes. Le toit est fait de feuilles d'acier. Tout bois est interdit, même en décoration. Tout l'effort, accru par l'altitude, est troué par ces cages inifugées que traversent une vingtaine d'ascenseurs et tant de faisceaux de fils électriques qu'on dirait des chevelures. Sans oser le demander, sur France Culture, on parle des gratte-ciels avec Claude Massu et Virginie Picon-Lefebvre. Et à l'instant, c'était un texte de Paul Morand lu par Georges Claes, où on voit que le style américain en architecture, qui est en train de s'inventer dans les gratte-ciels, a quand même des difficultés à se passer des références au passé. Mais du coup, c'est du plaquage, c'est uniquement une apparence qui cherche à adoucir peut-être, ou à ne pas trop choquer l'habitude que les Américains ont de reprendre des codes stylistiques européens. Claude Massu. Oui, c'est quand il visite New York, en fait, Paul Morand voit surtout le New York des années 1920. 1930. Or, c'est précisément une époque où les États-Unis ont défini leur propre style de gratte-ciel, avec le style art déco. Mais qui vient de Paris, quand même, le style art déco. Ah non, le style art déco vient de la sécession viennoise en particulier. Et donc, c'est au contraire une rupture par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de l'imprégnation de l'école des beaux-arts sur la vie architecturale américaine. D'accord, parce qu'il y a quand même beaucoup de bâtiments art déco à Paris, mais c'est un style qui, du coup, est un style... Songeons à l'Empire State Building, voilà, ça c'est vraiment l'immeuble le plus représentatif et qui est vraiment de style art déco, c'est-à-dire un style avec quelque chose d'assez épuré dans les lignes, avec des retraits, des redans qui étaient imposés par la loi d'urbanisme, hein, par les règlements d'urbanisme de l'époque. Et le plus beau, c'est le Chrysler Building, à mon sens, qui est aussi des années 30, hein, à New York. Qui reprend la calandre des voitures Chrysler en son sommet. Virginie Picon-Lefebvre. Oui, sur l'invention d'un style et sur l'art déco, moi je pense que l'art déco, c'est quelque chose qui dépasse l'architecture. C'est un style qui est notamment celui des grands paquebots qui font la liaison entre l'Europe et les États-Unis. C'est l'architecture des chemins, des trains. C'est quelque chose qui va incarner aussi la nouvelle, je dirais, vitesse, hein, la question de la vitesse de l'automobile, ces grandes automobiles. Le progrès, c'est le style du progrès. Je ne sais pas si c'est le progrès, de la nouveauté, mais c'est la vitesse. De la richesse peut-être aussi. C'est la vitesse, c'est la richesse, c'est la fin d'un monde et l'avènement d'un nouveau monde. C'est ce qu'on appelle le futurisme. Et ça, c'est des formes particulières qui n'ont pas de place pour des références plus anciennes. Mais ce sur quoi j'aurais bien insisté, c'est que ces références anciennes n'étaient pas vues comme anciennes. Elles sont vues comme une sorte de richesse. C'est pas des références au passé, c'est la richesse de l'architecture qu'on utilise de manière très libre. C'est pas forcément l'histoire passée des choses. On ramène le passé vers le présent. Oui. Alors pour revenir un petit peu à Chicago et donc à ces premiers immeubles qu'on peut qualifier de gratte-ciel, redire donc que Chicago se prête bien à cette tabula rasa, à cette nouvelle architecture américaine, précisément parce qu'il y a eu un grand incendie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est aussi un peu un mythe de Chicago, parangon de la modernité, à cause précisément de ce grand incendie, Claude Massu? Ah non, le grand incendie a été assez terrible, en fait. Donc l'incendie 8 octobre 1871, oui. Et on a des photos qui sont très spectaculaires, en fait. C'est un enchant de ruines, parce que la plupart des bâtiments étaient en bois. Enfin, il y avait aussi des trottoirs en bois, mais aussi les bâtiments, disons, plus publics ou autres, étaient avec des structures en fonte en particulier. Et ces structures ont fondu, en fait. Et ça a été d'où, après, chez les architectes de Chicago, dans les années 1880, au moment de la reconstruction ou de la construction, ils ont été obsédés par les questions d'incendie. Et donc, ils ont inventé des protections inifuges, en briques en particulier, en fait, les terres cuites. Donc, quelque chose qui les a beaucoup obsédés. Alors, du coup, effectivement, ça a été un peu la table rase. Hein, mm-hmm. Cela étant, avant cela, Chicago, c'était pas grand-chose. Hein, c'était une bourgade. Je crois qu'il y avait 300 000 habitants. Et après, il y a eu évidemment un développement exponentiel jusqu'à plus d'un million 500 000, enfin, en 1900. Oui, ce qui c'est à la table rase. Donc c'est l'image, en fait, c'est l'image de la modernité au sens de tabula rasa, la modernité qui voudrait recréer, redéfinir, réinventer sans se passer. Et c'est bien ce qui s'est passé à Chicago. Et en parallèle de la construction donc de ces tours dans le centre de Chicago, qui par ailleurs, moi c'est un point qui m'a toujours beaucoup impressionné, sont de meilleure qualité architecturale souvent que celle de New York, parce que Chicago a quelque chose à prouver. Chicago, c'est la ville des gens qui ont des propriétés de centaines d'hectares de blé. C'est un peu la ville des gens, entre guillemets, de la campagne qui arrivent à réussir et à construire une ville. Saul Bellow, l'écrivain, disait que c'était une cité de Philistins. Enfin, il y a un certain nombre d'écrivains qui ont souligné, un petit peu perfidement d'ailleurs, le côté finalement pas très artistique quoi voilà, de Chicago. Et du coup, Carl ils ont Sander, besoin de l'architecture, vraiment besoin de l'architecture. Pour se faire pour se monter le col quoi, pour exister par rapport à New York, sans parler de Boston. Et moi je pense que ce qu'il faut aussi expliquer, c'est qu'en même temps il faut parler d'Oak Park, ou d'autres, il faut parler des banlieues, c'est-à-dire que le gratte-ciel existe dans le centre, mais en périphérie, dans la banlieue, on construit des maisons et les gens vont faire cette nouvelle vie qui va être la vie maintenant de beaucoup des suburbs. On vit en banlieue, on prend le train ou le métro et on va travailler en ville. Et le plus connu de tous ces architectes-là, Frank Lloyd Wright, travaille chez un des grands architectes de Chicago, chez Sullivan, et évidemment va habiter en banlieue où il va construire sa maison, puis ensuite les maisons de ses clients. Alors parlons justement de Sullivan et puis de l'agence où il a commencé à travailler pour le premier gratte-ciel de Chicago, si je ne me trompe, qui était le Home Insurance Building, Claude Massu. On est étonné de voir à quel point il y a un groupe quand même important d'architectes dans ce que vous qualifiez donc d'une bourgade qui vont changer vraiment l'histoire de l'architecture et qui se trouve là, et en effet pas à New York, pas à Boston. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire-là ? Il venait d'un peu de tous les coins du pays, parce qu'il y avait du travail, justement. Il faut dire aussi que Chicago se développait grâce, justement, aux industries de la viande, que l'industrie sidérurgique aussi commençait à se développer. Enfin, il y avait... Et puis, bien sûr, c'est le grenier à blé, c'est derrière... Il y a le grenier à blé des États-Unis. Donc, enfin, il y avait là un développement des possibilités. Donc, ça attirait les architectes. Alors, il y a eu Sullivan, en particulier, qui, lui, est originaire de l'Est, mais qui est venu et qui s'est associé avec un architecte, Dankmar Adler, avec lequel il a beaucoup construit. Il faut souligner d'ailleurs que ça traduit l'influence allemande également à Chicago, très très importante. D'ailleurs, donc, avec Miss van der Rohe plus tard, une influence allemande encore plus prégnante dans la construction des gratte-ciels. Absolument, ça n'est pas hasard, je crois, si Miss van der Rohe est venue dans les années 30 à Chicago. Alors effectivement, parce qu'il y avait ça. Virginie Picon. Oui, et sur ce couple Adler-Sullivan, Sullivan est un artiste. C'est quelqu'un qui va, vous parliez tout à l'heure, ça vous intéressait peut-être de le savoir, va créer un style, va créer une expression architecturale qui n'est ni l'école Beaux-Arts, ni les Arts Déco. Et qui ressemble à quoi? Qui se caractérise comment? L'utilisation de beaucoup d'éléments naturels, végétales, que ce soit en fonte, que ce soit en terre cuite. La référence, c'est un peu comme... parce qu'avant l'art déco, il y a un autre mouvement artistique en Europe aussi, vous savez, qui est cette expression de Guimard, par exemple, des stations de métro, qu'on appelle l'art nouveau. Mais bon, à l'époque, on l'appelle pas l'art nouveau. Et cet art très végétal, ces formes, etc., cette expression, donc, curieusement, dans la pierre ou dans des matériaux inertes, de la vitalité de la nature, va donner une forme au gratte-ciel de Chicago et notamment à ceux de Sullivan, qui est absolument magnifique. Malheureusement, on est à la radio, donc on ne peut pas montrer d'image. Mais les auditeurs peuvent regarder sur Internet. Voilà, il faut qu'ils regardent la beauté des façades de Sullivan. Donc c'est un architecte très intéressant, Sullivan, parce qu'il a été considéré comme le créateur de la modernité architecturale aux États-Unis. C'est un homme qui écrivait beaucoup. Il a écrit plusieurs livres très intéressants, dont son autobiographie. L'autobiographie d'une idée, les causeries du jardin d'enfants, enfin je veux dire, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Il a voulu faire dans le fond avec l'architecture où il y a effectivement beaucoup de décors de type art nouveau, hein, beaucoup d'entrelacs, beaucoup de formes organiques. Il a voulu faire en fait un peu ce que Whitman, le poète Walt Whitman avait voulu faire pour l'Amérique, c'est-à-dire trouver une voie VOX et une voie VOIE américaine en fait, à travers l'architecture. Virginie Picon-Lefebvre. Oui, et d'ailleurs, si on veut comprendre Wright, il faut absolument regarder Sullivan. Parce que Sullivan est à la fois, par rapport à Adler était plutôt la partie commerçante de l'agence. Sullivan est à la fois un inventeur de gratte-ciel et en même temps l'inventeur d'une expression architecturale. Mais alors, est-ce que on peut considérer que l'avènement des gratte-ciel, c'est principalement parce qu'il s'agit de créer une nouvelle architecture qui soit proprement américaine, principalement parce que il y a des questions économiques qui se jouent, principalement parce que il s'agit de supplanter New York, Boston et de se monter un peu du col. Est-ce que c'est tout ça à la fois? Autrement dit, est-ce que les gratte-ciel auraient pu finalement ne jamais exister, ou est-ce que il était évident qu'avec les avancées techniques et technologiques, on allait de toute façon construire de plus en plus en hauteur? Quel est votre sentiment là-dessus, Claude Messu, pour commencer? Ah, je crois qu'on aurait toujours, on aurait construit, parce qu'en fait, la rente foncière impliquait nécessairement la construction en hauteur. Donc on est obligé, à un moment donné, de construire en hauteur. Oui, c'est oui, une sorte de fatalité due à la démographie. Je crois, oui. En tout cas, dans le système américain, ça c'est sûr. Oui. Oui. Vous pensez la même chose? Oui. Alors non, pas forcément. Ça dépend des situations. J'ai en tête l'exemple de... Alors, c'est à peu près la même époque, mais enfin, disons de New Delhi, ou de le modèle alternatif, c'est la cité-jardin. C'est-à-dire avoir une densité qui est relativement importante, mais de ne pas monter au-dessus d'une certaine hauteur. D'une certaine manière, on pourrait dire que Paris, le Paris d'Haussmann, où les questions de spéculation se posent de la même manière, on va établir la table rase, c'est-à-dire qu'on va dégager quand on a besoin pour construire, comme on détruit l'île de la Cité pratiquement entièrement, sauf Notre-Dame et la Sainte-Chapelle. Donc on va créer les conditions d'une table rase, et pourtant on ne va pas faire des gratte-ciels. Mais parce que c'est un petit peu avant, peut-être qu'on n'a pas technologiquement la fin de l'haussmannisation, la fin de l'haussmannisation ou la post-haussmannisation, c'est les années 1880-90. Et en fait, on va faire une certaine manière des gratte-ciels, mais qui sont des gratte-ciels très particuliers, qui ont toutes les caractéristiques du gratte-ciel, c'est-à-dire la technologie, des ascenseurs, le traitement d'air, parce qu'il y a aussi ça, comment on chauffe, comment on amène de l'eau, comment on installe le téléphone. Et donc c'est un historien qui est un ami qui s'appelle Jean Castex qui avait dit, nous nos gratte-ciel à Paris... Il n'est pas le Premier ministre. Non, pas le Premier ministre, un historien de l'architecture. Nos gratte-ciel, ils existent, mais on les voit moins, ce sont les grands magasins. Et c'est pour ça qu'on n'a longtemps pas eu de gratte-ciel en France, selon vous? Alors, moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'a pas eu de gratte-ciel en France, j'en parlais tout à l'heure, c'est parce qu'on n'est pas à l'échelle d'un continent et qu'on, malgré tout... Mais la City, si on prend l'Angleterre et on voit la City qui, à Londres, va construire des gratte-ciel, donc de manière beaucoup plus récente, hein, mais de manière très systématique, est à l'échelle d'un continent qui est un empire, hein, d'une certaine manière. Mais ensuite, à l'échelle du marché financier, qui a besoin d'une expression. Et c'est là où on retrouve la question, finalement, où l'architecture sert une expression. Elle a besoin d'une expression. On aurait pu très bien faire des immeubles plus bas, on aurait pu construire en banlieue, etc. On décide de construire au centre de Londres, et on fait le Shard, qui est un des plus grands gratte-ciel européens, qui, je ne sais plus combien il fait, le Shard de haut, 160 mètres de haut. Enfin, il est vraiment très haut, récemment, parce qu'on a besoin de cette expression architecturale, de la puissance de la place financière qu'est encore Londres, peut-être qu'elle ne l'est plus encore, mais qu'elle l'était jusqu'à il n'y a pas longtemps. Apparemment, elle l'est encore. Claude Messu. Mais oui, mais les gratte-ciels sont liés essentiellement à des quartiers d'affaires. Vous n'allez pas construire des tours, en fait, dans les grandes banlieues. Mais ça, pourtant, c'est arrivé. À la Défense, il y a des tours d'habitation. Alors ça, c'est parce que c'est la multifonctionnalité des tours dans une période. À New York, période. À la Défense, les tours ne sont pas multifonctionnelles. La Défense, les tours doivent être des tours de bureaux. Du point de vue historique, quand même, c'est dans les quartiers d'affaires, dans le Loop en particulier, mais à Manhattan aussi, qu'on trouve les gratte-ciels. Hein. Mais quand même, on vit dans les gratte-ciels aux États-Unis assez largement. Les dernières tours qui ont été construites, par exemple, à Central Park, sont des tours d'habitation. Absolument, oui. Ça a changé. Ça a changé, mais au départ, c'était pas comme ça. C'était vraiment... Et vous voulez qu'on en parle, vous voulez faire Si vous voulez, on peut en dire un tout petit mot. Allez-y, Virginie Picon, le faire. Ça a changé. Alors moi, dans le cas que je connais le mieux, c'est-à-dire celui de la Défense, ça a changé parce que on a voulu de la multifonctionnalité, non pas encore au début dans le même immeuble, mais au moins à proximité. Et on a voulu avoir davantage de logements à la Défense. Et on a autorisé, ce qui était strictement interdit du point de vue du principe d'origine, on a autorisé la construction de tours de logements uniquement, pas multifonctionnel. Et aujourd'hui, la Défense suit une piste qui est très difficile, et qui est difficile parce que c'est un problème de gestion, d'avoir dans la même tour des logements et éventuellement des immeubles de bureaux, sans parler des hôtels, qui sont des choses plus simples à établir. Alors on va rester aussi encore un petit peu dans l'histoire. Comment se fait finalement la translation de Chicago à New York? Parce que c'est quand même New York qui est la ville considérée comme étant la ville debout, la ville des gratte-ciels. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, Claude Massu, où cette ville-là, elle va prendre le dessus en termes de construction de gratte-ciels? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais non, parce que Chicago a reçu... La visite, en fait, plus que la visite de Miss Van der Rohe. C'est-à-dire que dans les années 30... L'architecte allemand qui est parti du Bauhaus, voilà, qui doit quitter l'Allemagne parce que... Quitte l'Allemagne, donc, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et donc, beaucoup d'architectes ont émigré aux États-Unis. Donc, Gropius est allé à Harvard, est allé à Boston, mais Miss est venue à Chicago. Or, Miss Van der Rohe, c'est l'architecte le plus important avec Le Corbusier dans la seconde moitié du 19e siècle. Enfin, du 20e siècle, oui, du 20e siècle. En termes d'influence, c'est considérable. Donc, il va faire, en fait, de Chicago, en fait, il va donner à cette ville un rayonnement absolument considérable. Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire mondial, c'est quand même plutôt New York qui est la ville des gratte-ciels et Manhattan en particulier? Absolument, mais en même temps, il y a de très beaux bâtiments. Il y a le Seagram Building à New York qui est de Miss Van der Rohe, qui est un chef-d'œuvre. Hein. Donc, je vais dire, c'est ça surtout qui est important, c'est que ça a été un foyer. Chicago est redevenu un foyer de créativité à partir des années 40, en fait, 1940. Virginie Picon-Lefebvre. Oui, moi, je pense que Chicago est certes redevenu un foyer de création architecturale, mais c'est aussi une ville qui a été marquée par une crise profonde très importante, notamment par la mauvaise organisation des quartiers et la mauvaise condition qui a été faite aux populations noires de Chicago. Et la ville a beaucoup été marquée par des répressions, des émeutes, des questions très très graves, hein. Si Obama était venu de Chicago, c'est pas du tout un hasard. Et alors que New York, jusque dans les années 60, parce qu'après New York rentre en crise, attire toute l'activité artistique dont on parlait éventuellement tout à l'heure, et New York devient un foyer de création, ce que n'est plus Chicago dans la même période. Et on comprend qu'en effet, la question de la hauteur des bâtiments dépend aussi de la créativité. Enfin, c'est ce que je comprends en tout cas de ce que vous dites, Virginie Picon-Lefebvre. On va essayer de passer l'Atlantique pour voir à quel moment est-ce que en Europe débarquent les tours. D'abord, un court extrait d'un reportage de l'ORTF du 18 septembre 1972. Ces photographies, vous pouvez les faire actuellement entre le Louvre et l'Arc de Triomphe. Avez-vous remarqué quelque chose d'insolite? Regardez bien. À droite de l'Arc de Triomphe, ce squelette de béton dressé, la tour Gane de la Défense. Vers 1978, à 7 km de la Défense, voici ce que vous verrez. La tour Gane du groupe des assurances nationales, altitude 170 mètres, celle de l'UAP, Union des assurances parisiennes, 150 mètres, et la tour Fiat, 190 mètres. Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Quels sont, Claude Massu, les pays européens qui importent les premiers, les immeubles de grande hauteur? Est-ce que c'est l'Angleterre, très liée, on le sait, à l'architecture américaine? Est-ce que c'est l'Allemagne? Est-ce que c'est l'Espagne? Est-ce que c'est la France? Je dirais que ça vient surtout après la Seconde Guerre mondiale. Je pense par exemple à Milan, enfin la tour Pirelli, enfin il y a eu des tours aussi au Danemark. Et puis bien sûr la grande opération qui commence à la fin des années 50. Donc pendant la période de la reconstruction en France, des tours de la Défense avec en particulier la tour Nobel, hein, qui a été considérée comme étant un chef-d'œuvre. Enfin, qui est la tour qui a quel nom aujourd'hui? Il faut qu'on se la mette dans l'œil. Oui, c'est ça. Mais c'est avec une intervention de Prouvé sur les finitions. Enfin, donc il faut quand Maillé, même, oui. À mon sens, plus de 50 ans pour que en Europe on se décide à faire ce type de bâtiment. Virginie Picon-Lefebvre. Alors il y a un quartier. En fait, il y a une série d'opérations avant guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un quartier qui s'appelle le quartier des gratte-ciels. À Villeurbanne. Près de Lyon. C'est des immeubles de combien d'étages à peu près? C'est pas très haut, une quinzaine. Ouais. Il y a les fameuses tours qui ont été démolies de cette opération de Drancy, de Lotz et Baudouin, qui n'était pas finie pendant la guerre et qui a servi de camp de rétention de, pour notamment les Juifs avant d'aller dans les camps de concentration, donc qui a été vraiment marqué par cette histoire-là. À tel point que, quant à la libération, on a décidé de réinstaller des gens dans ces immeubles. On a démoli les tours. Mmh. Parce que symboliquement, il fallait, je pense, aussi faire quelque chose. Et puis, il y a, je pense, c'est le projet de... c'est des projets qui ne sont pas construits. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une série de projets qui sont faits pour l'extension vers l'ouest de Paris sur ce fameux axe dont parlait votre... Qui sera bientôt, la Défense. Bientôt la Défense. Et Perret, Auguste Perret, donc l'architecte du Havre, fait des gratte-ciels, enfin, des immeubles de gratte-ciels. Des projets. Un projet qui ne sera jamais construit et qui annonce... moi, je me suis intéressée dans mon travail à savoir comment les choses adviennent. Et qui annonce, en tout cas dans l'imaginaire, la possibilité des gratte-ciels européens ou en tout cas français. Claude Massu. Oui, je voudrais juste compléter. Oui, il y a eu deux expériences, effectivement, à Villeurbanne, les fameux gratte-ciels, et à Drancy, mais ce sont des tours avec une ossature d'acier. C'est-à-dire, en fait, c'est la technologie américaine, en fait, parce que en France, c'est plutôt le béton hein, qui est quand même essentiellement utilisé pour ces éléments verticaux. Et donc, c'est effectivement une importation, en fait, d'une certaine manière, une expérimentation à partir d'une réalité américaine qui a donné naissance, effectivement, à ces deux expériences. Mais ce sont des expériences, disons, ponctuelles. Il n'y a pas vraiment de grands projets, enfin de grandes réalisations. De papier comme ceux de Le Corbusier. Il y a quand même toute une réflexion autour de la tour qui se joue quand même en Europe et singulièrement à Paris. Oui, avec le fameux plan voisin de 1925 en fait, et de la réaménagement du cœur du cœur de Paris avec effectivement des tours. Alors évidemment, tout cela semble avoir un peu de difficulté à prendre, notamment dans la capitale française. Et puis, les premières réalisations ne vont pas toujours plaire à tout le monde, à tel point qu'on va interdire à un moment donné, si je ne me trompe, Virginie Picon-Lefebvre, la construction de tours dans Paris dans les années 70, c'est ça ? Oui, on va, pour mettre fin à toute, finalement, possibilité d'avoir des tours à Paris, on va décider une espèce de, on pourrait dire, de plus qu'un moratoire, puisqu'il ne s'agit pas de reprendre, d'interdire, de dépasser, on sacralise finalement le plafond des immeubles haussmanniens. Qui est donc à 6-7 étages, quelque chose comme ça. Qui a à peu près 6-7 étages, ça dépend de la hauteur des étages évidemment. Donc ça dit bien qu'il y a eu un traumatisme quand même très très important. Il y a eu un traumatisme je pense, et il y a eu aussi... quelque chose qui était lié à aux effets de l'industrialisation et de la modernité. C'est pas simplement l'architecture, c'est ça que je veux dire. C'est pas simplement le fait de, par exemple, quand vous prenez l'opération de tour de la place des Fêtes, qui va être partiellement construite autour d'un square qui était un square type haussmannien, il va y avoir des sortes de révoltes des associations dans le contexte de mai 68, disant que on a abandonné la vie des villages, que ce n'est pas l'échelle humaine, etc. Mais en fait, on peut comprendre ça, mais on peut aussi comprendre que c'est autre chose qui se joue, et sans doute cette autre chose, c'est les conditions de travail, c'est le changement du travail, c'est le départ des usines, c'est beaucoup plus de choses que simplement une réaction à un objet qui s'appelle une tour. Donc c'est pas uniquement la hauteur, mais c'est tout simplement le passage d'une époque à une autre. Oui, mais comment est-ce que vous vous expliquez tout de même, Virginie Picon-Lefebvre, que assez massivement, il y a un rejet de ces nouveaux ensembles, et la Place des Fêtes en est un bon exemple. Hein. Je crois que peu de gens aujourd'hui considèrent que c'est une grande réussite. Qu'est-ce qui fait que la tour en elle-même, le gratte-ciel, pose des difficultés à ceux qui l'habitent ? Est-ce que c'est uniquement culturel ou est-ce que il y a peut-être d'autres raisons plus objectives ? Alors il y a deux réponses, on peut faire deux réponses. La première, c'est un sujet moi qui me tient à cœur, qui est la question de savoir pourquoi est-ce que les gens, après avoir désiré la modernité, en tout cas l'avoir fait construire, les gens, c'est-à-dire les promoteurs, les gens, c'est-à-dire les élus, les gens, les architectes, pourquoi les mêmes, quelques années plus tard, se disent « Ah non, c'est pas possible. » Ou leurs enfants, peut-être. Ou leurs enfants, mais parfois les mêmes, ou leurs enfants, se disent « Non, c'est pas possible, il faut arrêter tout ça, il faut rester au plafond parisien, haussmannien, il faut ne plus construire de tout. » Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose qui était lié à la rapidité des changements. Donc, la rapidité du changement est quelque chose de difficile à vivre. Donc, ce ne serait pas la hauteur en elle-même qui poserait problème, mais la rapidité avec laquelle on est passé de l'étage 2 à l'étage 30. Et on le voit avec le film de Jacques Tati, Mon oncle, ou Playtime, où tout d'un coup, toute cette modernité semble absurde, quelque chose qu'on ne comprend pas. Bon. Et puis, il y a une deuxième chose, à mon avis, qui est importante, c'est qu'une partie de ces immeubles-là, selon les circonstances, ont pu être très bien adaptés et très bien adoptés. Bon, c'est pas tout à fait un gratte-ciel, mais quand on prend l'immeuble, la grande barre de Bas de Montparnasse, qui est quand même très haute, hein, qui fait plus de 35 étages, je crois, ou 30 étages. Donc la grande barre, en effet, qui au-dessus de la gare, encadre la gare. Voilà. Cette barre a été habitée par des architectes, par des artistes, par toutes sortes de... Une barre qu'on doit d'ailleurs à un architecte célèbre, oui. Dubuisson. Oui, Dubuisson. Et elle est toujours habitée par les mêmes gens et qui ne sont pas partis, qui sont restés, qui sont très contents. Donc il y a eu... Plein centre de Paris aussi, hein. Oui, mais les conditions et le contexte sont très importantes en architecture. Claude Massieu. C'est amusant parce qu'effectivement, il y a eu une forme de militantisme pour un certain type d'architecture qui a fait que des gens ont habité et de façon absolument consciente, dans des tours. En fait, c'était vraiment manifester l'adhésion au modèle de l'architecture. Donc en fait, c'est se définir soi-même que de décider d'habiter en étage élevé. C'est absolument, dire quelque chose de qui on est. Mais dire quoi alors ? Dire qu'on est moderne ? On est moderne, oui. Je connais des gens qui habitent, par exemple, dans les tours des Olympiades, sur Dalle, qui est juste à côté de Tolbiac. À Paris, toujours dans le centre, ça. Voilà, dans le centre, et pour qui c'est indispensable, effectivement, d'habiter dans une tour. D'avoir de l'air. C'est un brevet de modernité. Bien sûr, et puis c'est la vue aussi, quand même, qui est très... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a un côté très métropolitain. Cette avidité de la métropole, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a envie de vivre dans une ambiance, dans quelque chose qui est très stimulante. Et quand vous habitez dans une tour à New York, à Paris, à Chicago, une tour d'habitation, quand vous travaillez dans une tour, il y a cette idée que le contexte, l'air, la vue va vous exciter, vous stimuler. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'excitation moderne. Mm-hmm. Par rapport au côté un peu provincial d'habiter sur cour avec sa voisine et son canari, comme dans les films de Jacques Tati. Donc c'est à la fois être au cœur de là où ça se passe et en même temps dans le ciel. C'est peut-être ce fantasme-là aussi qui est un fantasme presque de séparation aussi avec le commun des mortels. Est-ce que c'est un peu Icare, vous voyez, c'est un peu Icare, c'est un peu se brûler les ailes au soleil. Il y a des expériences aux États-Unis de ville dans la ville, de city within a city, ou autour d'une tour en fait. Dans une tour, vous avez une multifonctionnalité. Vous avez des appartements dans les parties supérieures et puis un étage de magasins. Un concept de Le Corbusier aussi. Ouais, concept de Le Corbusier aussi. Mais enfin, c'est une espèce d'autarcie moderne, en fait. Oui, vous parliez de Playtime. Tout à l'heure, je vous propose d'écouter une petite interview de Jacques Tati. Paris, entre numéro 47. Présenté à l'étranger, je n'ai pas critiqué l'architecture moderne. Sans quoi, j'aurais fait un décor très bon marché en faisant voir qu'aucune porte ne tenait. Bon, ce qui est peut-être possible et ce qui est peut-être vrai dans un HLM, mais je crois au contraire que nous avons voulu que ce décor soit beau, ne pas critiquer. Je suis pas très intelligent, mais je ne vois pas pourquoi je dirais « Bon, maintenant, vous allez continuer à fabriquer des petits hôpitaux avec des petites fenêtres bien sales pour qu'on apporte des petites cuvettes bien sales et que le soleil ne rentre pas dans les classes. » Enfin, je suis peut-être quand même un petit peu plus fin que ça. Et au contraire, moi, j'essaie d'apporter un sourire dans cette architecture. J'essaie pas de la critiquer. Jacques Tati, lors d'un entretien avec Michel Pollack en mars 1966. Son film, quand même, Playtime, Virginie Picon-Lefebvre, a sans doute joué beaucoup dans le rejet des immeubles de grande hauteur, qui va de pair avec le rejet de la modernité dont il se moque tout de même dans ce film. Moi, je pense qu'il est à la fois, et c'est ce qu'il dit, parce que il est à la fois fasciné et moqueur. Et quand on se moque de quelque chose, c'est que finalement, on s'y intéresse. Voilà. Et je crois que Tati, mais beaucoup de gens, ont été complètement fascinés par la modernité et ont été aussi un peu déçus parce que peut-être parfois elle n'a pas complètement tenu ses promesses. Bon, à la fois avoir une machine à laver le linge plutôt que de laver le linge à la main dans le lavoir, en 66, c'est encore le cas. Hein. Il y avait des communes dans la région parisienne qui n'avaient pas l'eau courante. Donc je pense qu'il y a eu une espèce de, franchement, de progrès incroyable pour aider la vie des gens. Et puis finalement, est-ce qu'on était vraiment plus heureux? Est-ce que voilà. En même temps, plus personne aujourd'hui ne parle de jeter les machines à laver par la fenêtre. En revanche, beaucoup parlent de ne plus habiter dans des immeubles de grande hauteur. Mais je pense qu'il y a peu de gens qui ont habité dans des immeubles de grande hauteur. C'est ça le truc aussi. Mais et ceux qui n'ont pas vécu le bonheur que c'est. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas habité dans un immeuble de grande hauteur. Même les architectes n'y habitent pas. Mais j'en connais qui habitent Place des Fêtes dans ces fameuses tours et qui sont très contents et qui sont architectes. Donc c'est pas des gens qui veulent le malheur du monde, quoi. Ouais. La tour Maine Montparnasse, il faut peut-être aussi en dire un mot parce que ça c'est tellement iconique dans Paris. Qui veut en parler? Peut-être vous. Je crois que vous avez travaillé sur le sujet, Virginie Picon Lefebvre. Ah oui. Alors la tour Montparnasse, moi pour comme boutade, c'était le bâtiment qui était le plus détesté à Paris. Quand on demandait aux gens, est-ce qu'il y a un bâtiment qu'ils détestent à Paris, ils disaient oui, c'est la tour Montparnasse. Et moi, quand j'étais petite, il y avait une blague, c'était quel est le plus bel endroit de Paris? Et c'était le haut de la tour Montparnasse, parce que c'était le seul où on ne la voyait pas. Mais c'est votre avis aussi, ou vous l'aimez cette non, tour? Non, bien sûr, parce que moi, je m'y suis intéressée. Je pense qu'elle, maintenant, ça y est, ça va mieux. Hein. Ça, quand on fait des enquêtes, elle apparaît plus à ce point-là comme étant détestée. Non, je pense que c'est une tour qui a réussi un pari, qui était un pari un peu compliqué, qui était de trouver effectivement une expression sur l'importance de la gare dans la ville. Mmh. On avait des grands campaniles avec les pendules, on avait toutes sortes de formes qu'on avait inventées. Et la tour Montparnasse a été pensée vraiment comme une espèce de signal pour la gare, la nouvelle gare. Et puis, on sache où est la gare, comme ça on sait bien où elle est. Oui, c'est un peu ça. Quand on se promène en vélo, on peut s'orienter. Bon, mine de rien, ça sert à ça, une tour. Vous savez, si vous en mettez trop, vous ne savez plus. Donc il y avait ce côté aussi un peu, et Malraux l'avait défendu, André Malraux, en disant que c'était un moderne campanile. Bon, après, tout le monde l'a détesté. Et elle est en travaux, elle va être rénovée, et ils vont rajouter quelques étages encore. Voilà, pour qu'on la voit mieux, qu'on sache où est la gare. Claude Massieu, elle vous plaît, cette tour Montparnasse. Qu'est-ce qu'elle apporte, au fond, à l'architecture de la capitale, selon vous? Le contexte urbain parisien n'est pas adapté à la tour. C'est contraire au règlement, etc. Moi, je compare avec Londres, par exemple, où Londres, il y a des tours absolument, enfin, qui sont créées très régulièrement, en fait. Hein. Il y a une espèce de graphe comme ça, de skyline qui se développe considérablement, alors que le skyline de Paris est resté en fait assez uniforme. Et donc dès qu'on construit quelque chose, même à Jussieu aussi, ça a été très controversé, la tour dite Zamansky en fait, hein, du recteur. Donc je crois qu'il y a des réticences très fortes parce qu'il y a une tradition urbaine très contraire en fait à la tour. Mais est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on en est au moment où la tour est un objet patrimonial? Est-ce que les architectes des bâtiments de France, maintenant, classent des tours, s'y intéressent, font en sorte que on les conserve comme étant des éléments de l'histoire de l'architecture? Ben, j'espère, oui, parce que c'est absolument... Ça fait partie de l'histoire, absolument. Enfin, les tours... Donc c'est accepté, les tours qui ont été construites dans les années 50, 60, autour de... mais avait une image, une identité très forte de, c'était des vecteurs très très positif, mm-hmm. En fait, très très positif. C'était une espèce d'espérance, en fait. Au moment de la reconstruction, on se dit, voilà, on s'oriente vers un monde qui est un peu rationnel, plus rationnel que celui qu'on quitte. Et l'architecture, dans son épure, nous donne cette image, nous entraîne vers un monde meilleur. Enfin, quand on lit les textes à l'époque, c'est assez surprenant. Virginie Picon-Lefebvre. Oui, je voulais dire deux choses. La première, c'est qu'on a très souvent raté le bas des tours à Paris parce qu'on a souvent pensé les mettre sur des dalles, donc sur des niveaux qui n'étaient pas le niveau du sol urbain.

C'était Sans oser le demander, aujourd'hui consacré à l'invention et à l'actualité aussi, on vient de l'entendre, des tours. Je renvoie aux ouvrages de mes deux invités d'aujourd'hui, par exemple l'Atlas de la Défense, coordonné par Virginie Picon-Lefebvre, ou bien Chicago, la modernité en architecture de Claude Massu, deux livres proposés par les éditions Parenthèses.